La beauté peut-elle nous tromper? Chacun sait que la beauté physique, comme on dit parfois, qui nous arrache des exclamations, cet éclat qui nous arrache des cris, qui nous arrache des éclats de voix, que cette beauté qui nous attire peut aussi être trompeuse et peut même être manipulée par les humains pour nous attirer dans des pièges, soit dans des pièges moraux, quand la séduction nous entraîne pour le pire, ou bien même dans des manipulations politiques et culturelles, car la beauté a aussi ses codes, est un enjeu de pouvoir, puisqu'elle possède quelque chose comme un attrait. Mais est-ce pour autant que, pour y résister, il ne faut pas aussi construire un sentiment plus large de la beauté, ou plutôt lui rendre justice à ce sentiment de beauté, peut-être aussi morale et même politique, d'une beauté dans tous les aspects des relations entre les humains? Il y a un film d'une profondeur inouïe qui s'intitule Freaks de Todd Browning, qui nous montre cette dualité dans une fable extraordinaire, puisque le handicap difforme des monstres, entre guillemets, des freaks qui donnent leur titre à ce film, ce handicap qui nous repousse, qui ne suscite aucune empathie, aucun désir, une laideur qui nous éloigne d'eux, cache en réalité une grande beauté morale, non seulement une souffrance qui suscite l'empathie, mais une noblesse dans leur relation. Et inversement, les êtres qui correspondent à la beauté sociale du moment, cette actrice et ce sportif ou cet athlète dans cette troupe de cirque avec ces monstres à côté d'eux, en quelque sorte, ce sont eux les véritables monstres moraux. Ce sont eux qui se servent de la séduction pour voler l'argent des nains et des handicapés, des mutilés de l'esthétique et de l'apparence humaine. Et peu à peu, l'histoire, par l'empathie, retourne finalement ce sentiment de beauté. Non seulement il y a une beauté dangereuse, trompeuse, manipulée, instrumentalisée qui conduit à la haine et au vol, mais de l'autre côté, ce n'est pas seulement une empathie morale qui nous relie à ces êtres, c'est véritablement un sentiment de la beauté de leurs sentiments et de leurs actions. Car il n'y a pas que les corps qui resplendissent entre les humains. Tout ce qui nous relie peut apparaître aussi à une contemplation qui dira alors que c'est beau ou au contraire que c'est moche. On dira que la méchanceté est laide et on aura peut-être raison et on dira inversement qu'il y a une beauté morale dans les actions, bien sûr. La beauté ne va pas être le critère de la justice, mais néanmoins, comment pourrait-elle ne pas en être là aussi un signe? Comment pourrait-elle ne pas qualifier toutes les relations entre les humains? Il ne faut pas donc dire seulement que la beauté peut être manipulée, manipulée moralement, socialement et politiquement, même si c'est le cas. La beauté comme enjeu de pouvoir, la beauté comme objet de commerce, cette beauté standardisée, formatée, dont il faut bien disposer un petit peu dans nos normes sociales, mais qu'il ne faut aussi pas prendre de manière pathologique et comme une servitude. Mais inversement, dans l'ensemble de nos actions, nous savons apprécier, nous savons contempler les actes moraux, les prouesses politiques et nous savons aussi critiquer les actions des hommes en fonction de la laideur qu'ils créent dans le monde.